je dois parler, sauver mon peuple. Pour l'or, le sort en est jeté. La délivrance viendra d'ailleurs. Je mourrai tout autant si je me tais. La main de Dieu était à l'œuvre. Derrière ce concours de beauté, l'amour du roi, ma position de reine. Pour cette occasion, je suis née sous la route du destin. J'avancerai sans crainte, même si je plaide en vain. Je sauverai les miens au creux de la tempête. Ma couronne sur la tête, je cours vers mon destin. Je sauverai les miens. Nuit insomnie dans le palais, aux lentes, lentes et l'agonie. Pourtant, je confesserai au roi toute la vérité sur moi. Sans invitation, je lui parlerai. Par cet acte, sûrement, je périrai. Mon regard croise celui du roi. Victoire, il me tend le sceptre d'or. Sur la route du destin, j'avancerai. L'ennemi démasqué, sacrifié, et mon peuple est sauvé.